Cours numéro 1. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala al-zalimin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi, wa ala alihi wa ashabihi, wa man iqtafa bihudah ila yawmiddin amma ba'd. An abdavi. قراءة هذه الرسالة notre deuxième درس après شرح كشف الشبهات on lit cette رسالة مختصرة résumé de الشيخ الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وهي بعنوان النصيحة الربانية في الرد على المغترين بدعاة الإلحاد والمدنية الغربية. Risalatun nafisa jiddan. Ce livret, cette risala, c'est une nasiha de هذا الإمام, Cheikh Abd al-Rahman al-Sa'di, rahimahullah. Et huwa, rahmatullah alayhi, c'est rasail, et c'est pour ça qu'on essaye d'en lire plusieurs. Fiha fawa'id nafisa, limada, liana son kalam, il est seul. Il résume quelques pages et traite un sujet. الاستفادة من مثل هذا الإمام العالم رحمة الله عليه سموهم طغن لماذا؟ لأن الإنسان يتأثر كلما يقرأ أو يسمع أو يجالس هؤلاء الأئمة فلا شك أنه سبا لشانجي بإذن الله عز وجل هذا المسلم يبقى ساميليوغي en côtoyant en fréquentant directement هؤلاء الأئمة أو si il ne peut pas الاستفادة منهم من كتبهم من أشرطتهم من صوتياتهم et on conseille à tous les frères العناية بكتب هذا الإمام. Ils ont imprimé en plusieurs volumes tous ces livres, que ce soit son tafsir et toutes ces rasail en plusieurs volumes et الحقيقة فيها فوائد عظيمة. Parmi ces livres, هذه الرسالة نصيحة ربانية الشيخ سعدي رحمه الله. Dans ce livre, dans cette risala, il conseille al muslimin alladhina aftutinu iyadun billah bi al gharb bil kafara. C'est une fitna azima. Wa hadha c'est à l'époque de Cheikh Saadi. Cheikh Saadi rahimahullah, il est mort en 1376. Et on est en 1440. Et ma hadha cette fitna elle était déjà présente. Wa hadha il a conseillé. أما عن notre époque فأكثر وأكثر. Et cette رسالة رحمه الله il l'a écrite sous forme de dialogue entre un ناصح et un منصوح. ناصح ومنصوح. أي un مسلم qui va conseiller son frère مسلم. أي ce مسلم qui se fait conseiller تأثر بالغرب الكافر. Il a vécu, il a côtoyé, il a voyagé عند الكفار حتى تأثر. Il a été touché par leur soi-disant modernité, leur bon comportement, ils sont avancés dans la technologie, dans beaucoup de choses. Et ce muslim, il a eu des doutes, à son frère. Et c'est ça, al-haq. Et c'est ça, al-akh, haqiqatan. Al-akh fillah. C'est mitla hada, son ansih. Nous sommes stupides. Le comportement de celui qui conseille, كذلك, de celui qui se fait conseiller, et inshallah ta'ala, كذلك, nous sommes stupides de la gravité de vivre avec al-munharifoun, al-kafara, al-munafiqoun, al-yahoud, al-nasara. Et en l'état de ce muslim qui s'est fait conseiller, vous allez voir que son état, il est très très grave, ayyadam billah. Akin al-nasiha fiha khayr. Il a traité le sujet sous forme de dialogue. Et ça, c'est nafi' jiddan. Au lieu d'expliquer à vivre avec les kafaras, c'est grave, il a écrit cette risala sous forme d'un débat. Un musulman qui conseille un autre qui s'est fait avoir par afkar haoula al-kafara. Fanabda fi al-qira'a, naqra al-muqaddima, insha'Allah. Al-yawm, thumma, petit à petit, notre deuxième dars, naqra, et on essaye de faciliter à nos frères bima yassara Allah azza wa jal wa bihi at-tawfiq. Qala rahimahullah bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذه سورة محاورة بين رجلين كانا متصاحبين. Il a traité ce sujet sous forme de dialogue entre deux hommes. Kana mutasahibayn. C'était des amis. Qala rafiqayn muslimayn yadinan bidinil haqq. Aïe, c'était des amis, des musulmans, et ils étaient, walillahi alhamd, ala manhaj al-kitab wa sunnah. Aïe, al-haqq. Yashtaghilan fi talab al-ilm jami'an. Fata'ammal. Anna les deux. Ils étaient occupés par l'ilm. Ils faisaient des efforts fait talab al-ilm pour comprendre le Coran, pour comprendre le Sunnah. Ça nous montre qu'on n'est pas à l'abri. Malgré que c'était un homme pieux et il faisait des efforts fait l'ilm, ta'athar. La question qu'on se pose, pourquoi il a été touché par hadha al-inhiraf, par cet égarement? Pourquoi il a faibli? Pourquoi il a penché? Hatta il a pensé que le kuffar, ils étaient à la haqq. C'est ça la faïda de cette risale. Et vu que Kathir Minna, et Obama, on a encore de la famille Hunak, et on a encore un lien, il m'a directement, il m'a indirectement, ce genre de rasail, c'est nafi' jitten. En l'insan, Allah subhanahu wa ta'ala, waffaqahu annahu kharaja min Hunak, il fait des efforts pour tout faire pour s'installer dans un bilad musulman et fonder sa famille dans un bilad musulman et tout faire pour s'écarter de haoula al-ashrar. Les madaliens, ils veulent notre mal. Khassatan, quant à hadha al-muslim, il fait des efforts fi l'ilm. Quant à hadha al-muslim, il fait des efforts fi al-istiqam. Et al-sunnah, quand tu le vois, c'est al-sunnah l'apparaît. Avec son qamis, avec sa barbe, avec sa façon de parler, ila akhir. Al-kuffar, yubriduna mitla haoula al-muslimi. الحقيقة سترسالة نصيحة موعظة سان غابل تذكرة pour chacun de nous. تأمل ces deux hommes ils étaient على حق على استقامة ils étudient العلم. قال فغاب أحدهما عن صاحبه مدة طويلة. غاب ça vient de, vous connaissez le mot غيب. الغيب c'est l'invisible, tu le vois plus. فغاب أي il y a eu une coupure entre les deux, ils se sont plus vus. Un des deux, il a voyagé. قَالَ فَغَابَ أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ مُدَّةً طَوِيلًا ثُمَّ الْتَقَيَا. Ça nous montre qu'on a avoir des amis qui sont à la sunna, à la haqq, il y a une faïda azime. هَذَا الْمُسْلِمِ qui a voyagé, on va voir, fi bilal al-kufr, et il a été touché par leur pensée, iyadun billah, et il a commencé à dévier à pencher son ami qu'il avait à la base, bi'idnillahi azza wa jalla, il va être utile. C'est ça, al-asdiqa. C'est ça, al-julassa, al-salihoun, al-ladhina yamfa'oun bi'idnillah. Annahu malgré tout ça, quand ils se sont rencontrés, il va avoir un dialogue entre eux, un débat. Et ma'adat a changé, il a agiri, l'autre il va citer annahu il a vu kada, annahu il a fait kada, l'autre il va le conseiller. Toute la risale, quelques pages, et à la fin, une faïda azim. قال, ثم التقيا, فإذا هذا الغائب. الغائب, c'est celui qui avait disparu, qui était parti, qui avait voyagé. فإذا هذا الغائب, قد تغيرت أحواله, وتبدلت أخلاقه, فسأله صاحبه عن ذلك. فوائد عظيمة dans cette jumla. أن هذا, ça montre أن الإنسان, il est pas à l'abri. بل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفرمي أن في آخر الزمان الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. أن البعض le matin c'est des croyants des mouminons, le soir عياذا بالله ils ont perdu leur dit. Ou le soir c'est un croyant, c'est un mu'min, le matin c'est plus un mu'min عياذا بالله. Il y a des causes. Et ça nous montre أن on n'est pas à l'abri نحن. هذا الرجل il était على استقامة طلب علم. Il a été touché عياذا بالله. فلهذا الإنسان دائما يدمد الله الثبات والحذر في tous attention à العجب والغرور et on fait attention de ne pas rabaisser les autres. أنت ولله الحمد tu fais des efforts pour suivre Sunna, tu fais des efforts pour apprendre ton din, fais le hadar de ne pas rabaisser ton frère musulman qui a des faiblesses, qui a du mal à comprendre, et le prendre de haut, le rabaisser, se moquer. Al-hadar, il y en a kathiran, mimman inharaf, c'est à cause de dhulm, c'est à cause de l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala, qala wa qad khaba man hamala dhulma. Khayba, il réussira pas. Même si, il y a un bil ilm, et un nawi voyage, huna wa huna, que je connais Sheikh Fulan, il a akhari, mais si le qalb il est mauvais, et il est injuste, et il est orgueilleux envers ses frères, فالحذر كم من أخ انحرف أو من أخت الله il est pas injuste أبدا celui qui s'égare فالله سبحانه وتعالى حكم عدل وله حكم عظيمة il est injuste envers personne celui qui s'égare c'est de sa faute et parmi ses fautes العجب والغرور كذلك مجادلة أهل الأهواء والكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظل قوم كانوا على هدى إلا أوتوا الجدل. ما من قوم qui s'égare alors qu'ils étaient à l'astiqama. مثلا أخ il était à la sunna, علم les mashaykh ils ont dit فلان قيل قال ثم il s'égare. En général tu verras que la cause c'est الجدال. Manque de sincérité, comme on l'a cité le premier point, orgueil, il veut se montrer, rabaisse les autres, il croit qu'il est intouchable, il a akhiré. عيادن بالله, la prochaine étape, vu qu'il se sent à l'abri, il commence à polémiquer. Khassatan à notre époque sur internet. Foulant un égaré, foulant un munharif. Et le haqiqa, c'est pas pour montrer le haq. C'est pas par aqida wala ibara wala lil haq bara lil ba contre le batil. C'est pour son nefs. Hada عيادن بالله, le haqiqa, il ouvre un bab d'égarement à son nefs. Jidal avec foulant, foulant, hatta son cœur il devient malade. Aliyada, à notre niveau, la boudmin ikhlas, tawadu', la sincérité, tawadu', la modestie, kadhalik, on veut le khayr pour les autres, et on fait des efforts fil ilm, et on s'écarte du jidal. Pas besoin de parler, t'as pas besoin de parler avec Rawafid, avec Shia, avec Nasara, avec l'Yahoud, avec l'Ikhwan, avec le Khawarij, avec Daesh, avec Fulan, t'as pas besoin. Internet, les réseaux sociaux, pardon, ils se lancent dans le da'wa, je vais parler à Fulan, je vais parler à Fulan. Alors qu'il lui manque beaucoup. Thumma yadam billah, il change. Parmi les causes, kadhalik, les fréquentations. Et c'est ce qui va se passer, ou c'est ce qui s'est passé avec cet homme. Falihada, il lui a demandé, fasa'alahu sahibuhu an dhalik. Ça nous montre, si tu as un ami, wa taghayyar, ça arrive, il a eu des faiblesses. Mathalan, il portait le qamis, il ne le porte plus. Il avait laissé pousser sa barbe. Et il a touché, ou il s'est rasé. Il venait au masjid, il vient plus. Ça arrive. On doit être miftah khayr. Et tu dois tendre la main. Satan, si c'est comme cette situation, c'était un ami. Son ami, il le connaît, ils ont grandi ensemble. Il se passe quelque chose, il faiblit. Khalas, il se comporte avec lui comme si c'était un jahmi. Ou un rafidi. Ça c'est min al-jahl. Ar-rahma. Même si Obama il sort de l'islam, lakin c'était ton ami, et tu sais qu'il est à la khatar, et il peut t'écouter, montre-lui. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait da'wa à qui? Au kuffar, il a fait da'wa au yahoud, au nasara, il a akhiré. Limada li anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, arsalahu Allah subhanahu wa ta'ala, rahmatan lil alamin. Et nahnu, kadhalik, on doit faire des efforts d'être une rahma pour les autres. Fa ta'ammal hada. Est-ce qu'il l'a critiqué? Il a dit, anzuru hada, c'est un ta'ban. Ou, ba'dhum yafrah, ayyadan billah. Il est content, il est réjoui quand Wahid il s'égare. Et il critique, regardez, il avait une mauvaise intention, c'est un munhari. Qala fa sa'alahu sahibuhu an dhalik. Et ta'ammal kadhalik le comportement, sa'ala. Il n'est pas parti à demander à un autre, à parler à un autre, pourquoi Fulan l'a fait ça. Il est parti le voir directement. Quand ils se sont rencontrés, il lui a demandé. Ah, il nous sait, pardon, Rubama, son frère, il lui reproche quelque chose, ou il a vu un changement, il va y parler à un autre. Ah, tu as vu Fulan, il a. Ya akhi khan, satan, si tu le connais, peut-être tu as grandi avec lui, va lui demander. Ya akhi billah, qu'est-ce qui se passe? Là, je veux ton bien. Surtout si tu le connais, tu sauras comment parler. Tu le connais, Obama, tu as grandi avec lui. Là, tu lui demandes, tu sais quand est-ce qu'il faut parler avec lui, tu sais quand est-ce qu'il s'énerve. Les malades, là, tu le connais. Fata'ammal huna, fassa'alahu sahibuhu an dhalik. Ya fulan, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il y a longtemps, on ne s'est pas vu, tu étais kada, masha'Allah. Qu'est-ce qui se passe? Et hâte ce soir, il doit être bihikma, pas avec accusation, là. Ya akhi, peut-être que cette connaissance que tu avais, peut-être qu'il a eu un problème mental, peut-être qu'il a perdu la raison, peut-être qu'il a eu un grave problème, peut-être qu'il a eu mouhim, peut-être qu'il a une excuse, Allahu a'lam. Allez, à la première étape, on demande. قال فسأله صاحبه عن ذلك فإذا هو قد تغلبت عليه دعايات الملحدين. Quand il lui a demandé qu'est-ce qui se passe, il s'est très vite aperçu أن عيادا بالله, ce frère qui connaissait, qui étudiait avec lui, تغلبت عليه دعايات الملحدين. أي أفكار الملحدين, et ceux qui rejettent la religion, ceux qui font passer dunya, الماديون, comme ce qu'on a aujourd'hui. Anahum, ils n'ont plus aucune croyance envers Dîn. Pour eux, il n'y a que cette dunya, yadam billah. Et un rejet de la religion. قال الذين يدعون لنبذ الدين ورفض ما جاء به المرسلون تأملوا الانحراف. C'est pas un simple égarement. Anahum, il a faibli. Anahum, il a fait un péché. Ou il a fait une bid'a. Ou il a fréquenté un innovateur. Ah, ces choses, c'est grave. Lakin, hala, encore plus grave. Son inhiraf, Anahum, il a eu des doutes. Est-ce que Dîn, c'est haqam là? Est-ce que ces messagers, c'est vrai, Amla? Ah, il a tout rejeté, yadam billah. Kufr noir. Lakin, vous allez voir le comportement de son ami. Ah, ça nous montre la gravité, la cause, c'est quoi? Pourquoi cet homme qui vivait à la sunna, qui aimait le Coran, qui faisait des efforts pour apprendre, il veut plus de ce dîn. Ben, il a des doutes. Est-ce que c'est vrai, Amla? C'est quoi la cause? C'est le fait de fréquenter الكفرة. قال فحايله صاحبه وقلبه لعله يرجع عن هذا الانقلاب الغريب فعيته الحيلة في ذلك وعرف أن ذلك علة عظيمة ومرض يفتقر إلى استئصال الداء ومعالجته بأنفع الدواء. Son ami, quand il a su que هذا, il avait des doutes, il voulait plus de dîn, il a akhiri, iyadam billah, il ta'athra bil kuffar, il commence à avoir aqidatul mulhidi, il est athée, il a su que l'affaire elle était très très grave. Et il a su qu'il fallait qu'il lui donne du temps. Il est malade, il a son frère, il est devenu malade. Son cœur, il allait mourir, iyadam billah. Là, ça nous montre, avant de parler, il faut connaître l'état de ce frère que tu vas conseiller. Un nabi, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'ad ila al-Yaman, ma'ada qala la? Ya Mu'ad, إِنَّكَ سَتَأْتِي عَلَى قَوْمٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. Ça c'est une faïd azima que l'ulama ici. Qui tu vas conseiller? Est-ce que tu vas parler à un chrétien? Maintenant, un chrétien, à la base, ils ont une religion. Ils l'ont déformée, ils ont falsifié. Lakin, ils ont une religion. Un athée, il ne croit plus. Même au créateur, il ne croit plus. Un musulman, ça reste un musulman. Il croit au Coran, il croit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu as trois cas et tu auras trois façons différentes. Le musulman, tu peux lui dire qu'à la Rasoul. Le prophète, il a dit, trouvez-vous kadalik, peut-être qu'il aime bien Matalan, ou il a du respect pour les quatre imams. L'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i. Enfin, tu vas rentrer min hadal bab. Peut-être qu'il a du respect pour Sheikh al-Islam, le Taymiyyah. Enfin, tu vas rentrer min hadal bab. Un Nasrani, tu peux pas lui dire qu'à Allah, Azza wa Jal, qu'à la Rasoul, il ne croit pas. Lakin, il a une croyance, il y a un créateur, il a akhir. Lakini, ayyadam billah, ils ont cette aqidah kufriya, an Allah il a un fils. Enfin, tu vas rentrer min hadal bab. An Allah il est unique, le créateur il est unique, il a akhir. Al-mulhid. Arrive hada, certains de nos frères qui se sont convertis à l'islam, leurs parents c'est des malahidas, ou leurs frères, ou leurs sœurs. Enfin, tu vas pas lui dire, qal shirul islam. Ah, c'est yafam, il croit pas en tout ça. Enfin, tu vas rentrer avec une autre tariqa. Avec la raison, tu lui montres. Avec kalam ahl al-ilm, tastavid minhum. Thumma, tu lui expliques. Falihada, ce frère, cet ami, Awulan, il a analysé, il a su la situation de son ami, comment il est devenu. Thumma, il a décidé de l'aider et de le conseiller. قال وعرف أن ذلك متوقف على معرفة الأسباب التي حولته. تأمل. الناصح, celui qui va conseiller, il a su أن pour pouvoir aider son frère, il doit connaître la cause. C'est quoi la cause? Mais tu conseilles et tu ne connais pas la cause. Tu vas parler pendant 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, et ça n'a rien à voir avec son cas. Il n'est pas concerné, c'est pas comme ça. Vu que nous, on a un niveau faible, on a un niveau faible en expérience, on est encore jeune, on revient à l'ilm. On revient aux gens qui étaient avant nous. Rabbama tastafid min ammi, qui a de la khibra dans certaines choses et sait comment parler. Rabbama il manquera l'ilm, lakin anta tastafid. Tu reviens à l'ilm, tu reviens au mashayikh et ils ont de l'expérience. Peut-être que ce cas que tu as, mathalan, tu veux conseiller ta mère. Ta mère, c'est pas une musulmane. Ça arrive, hada kathiran. Anta, peut-être qu'un frère qui est avant toi, il est passé par là, ou un cheikh, ou... Et il sait, le cheikh, peut-être qu'il a déjà eu cette situation. Un frère, il lui a posé la question, il a conseillé un frère ou une sœur. Enfin, anta, tu n'es pas le premier. Enfin, il va te montrer, il va te dire, évite telle chose. Base-toi sur telle chose. Appuie sur telle chose. Surtout, ne dis pas telle chose. Et ta ronze, amma ba'd l'ikhwan, hadahumullah, hudum. Ils font, faqat. Et je dois conseiller. Là, le conseil, c'est une ibad. Bel, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, din kullo, c'est le nasiha. La religion, c'est le conseil. Il faut savoir comment faire. Enfin, ne pas se précipiter. Enfin, ta'ammalo. Cette fa'id azim, celui qui va conseiller, il analyse. Comment je vais commencer par quoi? C'est comme al-ilaj. Un docteur, quand tu es malade, est-ce qu'il te donne n'importe quel ilaj? Rien, tu as une chose, c'est un remède pour telle personne et ce n'est pas un remède pour un autre. Robama, tu donnes le mauvais remède, tu le tues. Nasiha, c'est exactement la même chose. Un frère, peut-être qu'il faut le conseiller de telle façon, un autre, il ne faut pas lui dire ça. Ça va lui empirer son cas, il ne va pas comprendre, il faut utiliser autre chose, ce qu'on appelle al-hikmah. Al-hikmah, la sagesse, c'est ça. Savoir parler, se taire. Comment conseiller? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Enfin, le médecin, avant de donner un médicament, un remède, est-ce qu'il faut l'opérer? Est-ce qu'il faut lui faire telle chose? Qu'est-ce qu'il fait le médecin? Il y a des analyses, il y a des tests, il y a des rendez-vous, il y a mouchawara, peut-être qu'ils sont conseillés entre médecins, ils analysent le dossier. Thumma, peut-être au bout d'une semaine, au bout de deux jours, trois jours, tu as un verdict. Tu as besoin d'une opération, tu n'as pas besoin d'opération, tu dois suivre tel traitement. Pourquoi les ulama ils sont comparés à des médecins, à des docteurs? Les médecins, eux, c'est pour les maladies du corps, des membres. Les ulama, c'est les maladies du cœur. La méthodologie, elle se ressent. Alors, on ne doit pas brûler les étapes. Et sa nasiha, elle fait que des dégâts. Il y a la précipitation et un manque de ilm, un manque de sagesse et un manque d'expérience. Nous conseillons nos frères, dans les masa'il al-azima, ne pas se précipiter. On parle avant l'ilm. Les frères, ils parlent des sujets sur les gouverneurs, sur kada. Peut-être que le savant il n'a pas encore parlé. C'est pas min al-adab. Mais si c'est un ami, tu le connais, une masala que tu maîtrises, ou tu te renseignes et tu fais des efforts, et après tu fais du khayr, alhamdulillah, la ahad yamna. Lakin, bien sûr, chaque chose a sa place. Qala, wa arafa anna dhalik mutawakifun ala ma'rifati l'asbab allati hawwalathu. Hawwalathu, c'est quoi qui l'a fait changer? C'est quoi qui l'a fait basculer? Mu'min, qui aime le Coran, qui aime le sunnah, qui fait des efforts, il a voyagé quelque temps après, il déteste le din, il veut plus de din. Il y a eu quelque chose. Imma, mentalement, il ne va pas. Lakin, ce n'est pas le cas, Huna, il est normal. Il y a quelque chose. Qala, wa turuq allati awsalathu ila hadhihi al-hal al-mukhifa. Al-hal al-mukhifa. Et c'est quoi qui a fait basculer hadha al-akh, cette situation qui fait peur là? Limada mukhifa? Li'annahu, il peut perdre son din. Ayyadan billah. Et s'il n'accepte pas le nasiha, il s'entête, il va perdre son din. Il ne va plus croire en Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va plus croire en messager, et il va croire que le kuffar est sur la haq. A'oudou billah, yahlak. C'est pour ça que son ami a eu peur pour lui, et ça nous montre shafaqa wa rahma. Si, khassatan, si on connaît un frère, Rubama, tu as mangé avec lui, tu as voyagé avec lui, et tu sens, yabdayan harif, normalement, tu as peur pour lui. Et tu es triste pour lui. Pas comme certains, yadam billah, yafrahoun. Et qu'annahum, ils sont satisfaits. Limada, les annahum, il n'y a que qui sont sur le haq. On fait attention. Ma min za'ir. Zara, il l'a à cause de son cœur. Adi, c'est clair et ne l'oublie pas. Celui qui s'égare, c'est qu'il a un problème dans le cœur. Iyadam billah. Enfin, c'est pour ça qu'on doit faire attention. Qala, ila hadhihi al-halati al-mukhifa wa ila fahsiha wa tamhisiha wa talkhisiha wa tawdihiha wa muqabalatiha bima yudadduha ويقمعها على وجه الحكمة والسداد. أي son ami, celui qui va le conseiller l'un, il cherche la cause, ثم quand il va trouver la cause, il va tout faire pour le conseiller, lui montrer, lui être utile, l'aider, بإذن الله عز وجل. Avec le dua, avec l'ilm, en lui montrant, hatta il revient, inshallah, à la tariq. Ça nous montre un al-inhiraf, ça peut arriver, iyadun billah, on n'est pas à l'abri. Lakin al-insan, s'il s'est trompé, s'il se fait conseiller, fayarji. سيأتي معنا أنه يفعله دموندي لماذا إلى آخره إلى كوز أنه إلى إستميلانجي أفك أهداء الله أفك الكفار. هذا من أخطر الذنوب أي دي فيفا أفك المشركين المجرمين. إي بلو الإنسان يسيلوان دي الجماعة دي المسلمين دي الصالحين بلو عياد بالله سادفين اون بخوا دي سي شبه. فلهذا جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاسية. الحديث رواه الإمام أبو داود وحسنه الإمام الألباني رحمهم الله. ما من ثلاث، أي si trois personnes ils sont dans un village ou dans une ville dans n'importe quel endroit لا تقام فيهم الصلاة. Alors, ils font pas l'adhan, ils font pas l'iqama, il y a pas salat al-jama'a. Ça ça montre l'importance du groupe et de l'avoir des fréquentations salihah. إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. الشيطان il prendra le dessus sur eux pour les égarer. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بالجماعة. Ça ça montre la gravité de s'écarter de الجماعة. بعض الإخوة أحيانا يسكرت يبين بلو دروس يبين بلو مسجد خاصة ceux qui vivent في بلاد الكفر. ما في بلاد الإسلام le mal il est moins grave. لماذا؟ لأن quand tu sors يا الإسلام il est présent ولله الحمد. Tu entends l'adhan, les masajid عامرة et الحمد لله ربما dans la rue واحد il te conseille وانت tu conseille. أما في بلاد الكفر فالخطر il est كبير. بعض الإخوان يسكر plus de دروس plus de مسجد اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بالجماعة هاي نتكحت با. لماذا؟ لأن المؤمن il est قوي avec son frère. لكن fréquenter des bonnes personnes pas n'importe qui. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يأكل الذئب القاسية أي le loup il mange du troupeau la brebis qui s'écarte. القاسية هنا أي c'est une brebis ou un mouton qui s'écarte du troupeau. Enfin, le loup ou une autre bête féroce, dans ce cas-là, ils profitent, ils analysent, ils suivent ce troupeau. Quand une bête, elle se perd ou elle s'écarte du troupeau, il attaque. Hakada shaytan. Quand l'insan se retrouve tout seul, l'insan, shaytan, il hajoum alayh. C'est ce qui est arrivé à hadha rajoul. Quand il était avec ce frère, Talab al-Ilm, et là, chaque, il y avait des autres frères, et Sunnah, Qur'an, les rappels, Alhamdulillah. Il a voyagé, fait Bilal al-Kufr, il s'est retrouvé tout seul, Al-Shaytan hajam alayhi, avec des choubahs. Et il s'est fait avoir par le soi-disant bon comportement des kuffars. Il donne de l'importance à certaines choses, la propreté, à, مثلاً, ils ont des règles strictes dans la conduite, dans le comportement. Ta'athra bihada, iyadam billah. Et il a commencé à طريق زيغ الانحراف عياذا بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك والنافخ الكير. النبي صلى الله عليه وسلم comparé أن la bonne fréquentation et la mauvaise fréquentation c'est comme le vendeur de parfum et le نافخ الكير traduit par le forgeron celui qui travaille dans le hadid. أنه يشوف الفير يطب دون الفير ربما ستبغل إلى آخره. فهكذا مثل جليس السوء إما تفاصنتر الموفز أدر إما يبغل تنثو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سنو مونتر أن الجماعة لا بريسيزيون هنا كون في avec حديث النبي صلى الله عليه وسلم c'est que ça soit des bonnes fréquentations. Il te rappelle هذا الرجل s'est écarté, il avait plus cette fréquentation. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على الدين خليله. الرجل على الدين خليله. Tu as la même religion que ceux que tu fréquentes. هذا الرجل quand il a fréquenté الملاحدة en Occident il a fréquenté les athées, ta'athara bihim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu suivras la même religion que ceux que tu fréquentes. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui fréquente et veut ressembler, il fait partie de ce qawm à qui il essaye de ressembler. Wa qala Amr ibn Qais rahmatullah alayhi min a'immat as-sunnah la tujali sahib zayr fayazir qalbuk. Ne fréquente pas az-za'irun al-malahid al-kafar ahl al-ahwa ahl al-bid'a. Limadha? لأن ton cœur il va basculer vers eux. لأن الإنسان il fréquente ceux qu'il aime. Si tu détestes quelqu'un, tu ne peux pas rester avec lui. فحذر de te mélanger avec هؤلاء. Ça fait beaucoup de mal au cœur. كما قال عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الركن c'est le fait de se pencher. ركن البيت c'est le côté. Le fait de se rapprocher de هؤلاء الكفرة. قال عز وجل فتمسكم النار. Et tu peux être touché par le châtiment. لماذا؟ لأن tu seras touché par leur égarement. عيادا بالله. فهذا الرجل il a fréquenté le ملاحدة et il a été touché. لكن نستفيد une faïda عظيمة أنه vous avez remarqué il n'a pas menti. Et ça c'est une faïda عظيمة pour nous. Si un frère il te conseille مثلا il te dit يا أخي j'ai remarqué ces temps-ci tu as changé, vous avez remarqué أحيانا نحن on a défend une position directement la défense. Quand on a attaqué. Là, j'ai rien. Alors que l'Akhissé lui-même, il va plus au masjid, il vient plus au Dorous, il fréquente plus les frères, il commence à s'isoler, il commence à faiblir. Au lieu de dire Sahih, Akhi, j'ai un problème, j'ai du mal à venir au masjid, j'ai du mal à venir au Dorous, je me sens mal avec les frères. Au lieu de parler à ton frère il est venu te voir, il veut ton bien. Là, j'ai rien. Alors que c'est pas vrai. Si tu viens plus au masjid, tu viens plus au Dorous, tu te sens mal, tu sens que ton iman il a baissé, ne dis pas là, il n'y a rien là. Il y en a le frère, peut-être il va te croire, il va te laisser et ça va s'aggraver. As-sidq. Vous avez remarqué que hadha ar-rajul, quand il lui a demandé, vous allez voir, on n'a pas encore lu, là, quand il va lui demander, sadr, il va tout lui dire. Il va dire sahih. Sahih, depuis que je t'ai quitté, j'ai vécu avec les autres et ils m'ont dit. Et... l'autre, il va lui montrer. Et on verra à la fin de la risala. Est-ce qu'il a réussi à le convaincre, Amla? On retire de ce point une faïda azima. Non, fais attention au mensonge. Tu vas bien? Pardon, ils vont très très mal. Oui, je vais bien. Là, l'imam, tu vas mal. Qui je vais mal? Affiché. Alhamdulillah, tu sais que ton frère, il vient, il te demande. Et il te demande peut-être qu'il veut t'aider. Et idnillah, il veut te conseiller. Profite-en. C'est une ni'ma minallah qu'il est venu te demander. Enfin, si tu vas mal, demande-lui. Ya akhi. J'ai tel problème. Peut-être qu'il va t'aider, Allah yaj'al baraka. Et ce problème, il s'enlève. Enfin, attention à cette paranoïa. À cette... on croit qu'on est attaqué. Wahid, il demande là. Kadhalik, hada, ça vient d'un problème fil qalb. Maintenant, on a du mal à admettre. Alors que là, même fiché, Allah, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Ça va mal. On est des êtres humains. Aujourd'hui, c'est toi qui vas mal. Demain, ça sera ton frère. Aujourd'hui, c'est lui qui te conseille. Demain, inshallah, c'est toi qui le conseillera. Enfin, on s'habitue à hada. Tout ça, c'est avedna. من هذه المقدمة أن الناصح بالخير il veut aider son frère et celui qui a eu des faiblesses كذلك il est véridique même si on a des faiblesses alhamdulillah tant qu'on est vivant باب التوبة il est مفتوح et il y a cet échange et التعاون et on n'essaie pas de rabaisser l'autre alhamdulillah tant qu'il veut le haq tant qu'on a encore un espoir أنه il accepte فبالتي هي أحسن. ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق إن شاء الله à chaque fois après كشف الشبهات on essaye de lire petit à petit cette risale والحمد لله رب العالمين.